lèvons les bras vers les étoiles. Son regard par la fenêtre se ferme et se plonge dans la croyance d'un espoir. Non, ce soir il n'a pas un nuage. Le vent est sage, caresse son visage. Une petite larme glisse sur sa joue. Elle forme cette étoile qui appelle l'amour. Silhouette non loin se dresse, tel un arbre ne vivant que dans les rêves. Gigantesque, brillant, si funèbre, puis dans ce levé une flamme noire. Soudain, c'est le sang qui coule de ses yeux, soudain son beau cirrus lui crève le cœur. La futuration s'échappe de la lumière des feux. Le mémorandum se noircit, noyé. Gigantesque, feuillant, si funèbre, puis dans celle de vie flamme.